Qui sont les pères apostoliques? Eh bien, premièrement, ce sont les personnages les plus importants après les apôtres. Ce sont des personnages extrêmement, extrêmement importants. Si on veut bien interpréter la Bible, il faut être en accord avec les pères apostoliques, c'est-à-dire les gens qui ont connu les apôtres personnellement. Comme ça, on ne peut pas se tromper. Laissez-moi vous donner une petite introduction à ça. Qui sont les pères apostoliques et qu'ont-ils enseigné? Alors, préparez-vous à un choc. Vous allez tomber en bas de votre chaise, pour pas dire autre chose, lorsque vous apprendrez ce que croyaient et enseignaient ceux qui ont connu les apôtres personnellement ou qui ont connu leurs disciples. Je vous le dis tout de suite, beaucoup de fausses doctrines dont on vous a alimenté pendant tant d'années vont tomber par terre. En effet, pourquoi continuerait-on à croire ce qui n'est pas venu des apôtres et de ceux qui les ont côtoyés? Beaucoup de petits pasteurs disent « la Bible dit ceci, la Bible dit cela, la Bible dit tellement de choses, hein? La Bible dit tout ce qu'on veut dans le fond. » Ils vous enseignent des erreurs alors qu'ils croient sincèrement être dans la vérité. C'est parce qu'il est très, très facile de se tromper dans l'interprétation du Nouveau Testament. Mais lorsque nous comparons ce qu'ont dit les apôtres et ce qu'ont enseigné ceux qui les ont connus, alors tout s'éclaire. Car ceux qui ont connu les apôtres n'ont pas pu se tromper sur l'interprétation des paroles des apôtres. Sinon, ils auraient été repris par eux. On a dit que la Bible s'interprétait par elle-même. Eh bien, c'est la plus grande bêtise qui ait jamais été dite. Cela est archi-faux. Et c'est le chemin le plus sûr pour la mal interpréter et la mal enseigner. 2 Pierre 1:20. L'apôtre Pierre a écrit lui-même « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière ou d'interprétation personnelle », dit une autre traduction. Aujourd'hui, les petits chrétiens, là, ils lisent la Bible chacun dans leur coin, puis ils essaient d'y comprendre quelque chose avec leur petite coco, là, et enseignent du grand n'importe quoi, là. On regarde Facebook, là, c'est une vraie cacophonie, là. Tout le monde se contredit, puis se bagarre à propos de tous les versets, là, imaginables. C'est comme si l'on vous disait, voici une feuille de papier avec un point au milieu. Puis qu'on vous disait, trace une ligne à partir de ce point dans la direction que tu voudras, la direction que tu penses. Vous diriez, mais dans quelle direction? Puis on vous répondrait, dans la direction que tu crois la meilleure. Bien, il est évident que personne ne tracerait cette ligne dans la même direction. Sur 100 personnes, il n'y en aurait pas 2 qui traceraient cette ligne dans la même direction. Mais si sur cette feuille de papier, il y avait 2 points et que l'on vous disait, tracez une ligne dans la direction où vont ces 2 points, alors tout le monde tracerait cette ligne dans la même direction. C'est pourquoi les Écritures et les pères apostoliques sont inséparables. Ce sont leurs 2 témoignages qui confirment la bonne interprétation de l'Écriture. Selon la Bible, 1 témoin ne suffisait pas pour condamner quelqu'un. Il fallait 2 ou 3 témoins. C'est le même principe avec les Écritures. Ce sont les 2 témoignages, les apôtres et les pères apostoliques, qui confirment les bonnes interprétations de l'Écriture. Conclusion, là, si vous ne connaissez pas l'histoire de l'Église, vous n'interpréterez jamais la Bible avec vérité et justesse. Alors ça, c'était mon introduction. Maintenant, qui sont les pères apostoliques? Première définition. On désigne sous l'expression de pères apostoliques des hommes ou des écrits de la période qui a suivi immédiatement celle des apôtres. Leurs écrits constituent le 3e ensemble de textes fondateurs du christianisme. Après l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ils ont été reconnus comme orthodoxes par opposition aux textes apocryphes. 3 témoins qui ont établi les bases de l'Église chrétienne. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament et les écrits des pères apostoliques. Les premiers pères apostoliques, après les apôtres, sont dits apostoliques en raison de leur proximité avec la tradition apostolique qu'ils reçurent directement des apôtres et dont ils se réclament. Disciples ou auteurs proches des apôtres, leurs œuvres s'étendent de 90 à 160 après Jésus-Christ et constituent les tout premiers témoignages des communautés chrétiennes après les écrits néo-testamentaires. On inclut aussi comme pères apostoliques l'évangéliste Luc et Marc, qui n'ont pas été des apôtres, mais qui ont vécu à proximité d'apôtres. Ces écrits ont une place particulière dans la littérature chrétienne primitive des deux premiers siècles. Ils se distinguent des livres du Nouveau Testament par leur caractère non canonique, même s'ils étaient parfois considérés comme canoniques durant l'Antiquité chrétienne. C'est-à-dire que les lettres de ces bonhommes-là faisaient partie de leur Nouveau Testament aux premiers chrétiens. Ces écrits des deux premiers siècles restent très proches des livres néo-testamentaires. Deuxième définition. Les pères apostoliques désignent les œuvres des écrivains ecclésiastiques qui ont vécu dans l'entourage des apôtres ou qui ont été leurs disciples. Leurs témoignages font donc partie de la plus haute autorité. Ils sont les témoins directs de ce que les apôtres ont enseigné et leur ont enseigné. Dès le deuxième siècle, leurs œuvres sont entourées d'un profond respect. Leurs écrits sont même insérés dans les manuscrits à la suite des livres canoniques du Nouveau Testament et traités presque à l'égal de l'Écriture. Alors, c'était pas rien, là. Voici leurs noms. Il y a Clément de Rome, Ignace d'Antioche, Barnabé, Polycarpe de Smyrne et Papias, qui furent les disciples de l'apôtre Jean. Il y a aussi l'auteur de l'épître à Dionysiète, Hermas, l'auteur de la Didachée. La Didachée, on va en parler un peu, a été écrite vers la fin du 1er siècle ou au début du 2e siècle. Le manuscrit retrouvé est intitulé « Doctrine du Seigneur transmise aux nations par les 12 apôtres ». La formulation des paroles du Christ qu'elle rapporte semble être plus ancienne encore que celle des textes canoniques. Les prescriptions disciplinaires témoignent d'une époque où vivaient les apôtres. On a proposé la possibilité qu'elle était une sorte de manuel pour les nouveaux convertis, une introduction à la communauté chrétienne à apprendre partiellement par cœur. La Didachée nous montre des ministres de la parole tels que les apôtres, les prophètes, les didascales, une sorte de missionnaires itinérants, ce qu'on appelle des évangélistes, sans résidence fixe, et des ministres du sacrifice public, plus spécifiquement de la liturgie eucharistique, qu'on appelle les presbytres ou les prêtres. La Didachée dit qu'il faut faire l'aumône à tous, mais non sans discrétion. Elle rappelle ce conseil, que ton aumône transpire dans ta main jusqu'à ce que tu saches à qui tu donnes. Aujourd'hui, les chrétiens donnent et donnent et donnent, toujours au même endroit, toujours à l'église, toujours au pasteur. Beaucoup de pasteurs se promènent avec des très, très belles voitures, même qu'il y en a qui s'achètent des blocs appartements avec l'argent des fidèles, etc. Ce n'est pas acceptable. Donnez à plus pauvres que vous. Donnez pas à plus riches que vous. Donnez aux pauvres. La Didachée dit « Si tu peux porter tout le joug du Seigneur, tu seras parfait. Sinon, fais du moins ce que tu pourras. » J'ai bien aimé cette parole-là, miséricordieuse. Je vais revenir plus tard sur ce recueil, ce qu'enseignait la Didachée de surcroît. Concernant la question du salut, alors tenez-vous bien, la doctrine du salut. Tous les pères apostoliques proclament simultanément avec Paul la nécessité de la foi et avec Jacques la nécessité des œuvres. Alors, le salut par la foi seule, inventé par Martin Luther au 16e siècle, fait clairement l'effet d'une fausse note ici. De même, dans la Didachée, la justification reste, comme dans saint Paul, le fruit de la foi, mais pas de la foi seule, car on réclame la présence simultanée des œuvres. Luther enseignait que les œuvres suivent la foi, ou étaient des fruits de la foi, et des conséquences de la foi, mais que les œuvres n'avaient rien à voir avec le salut. Mais c'est une erreur. Ici, on voit, on dit, on affirme que la foi et les œuvres procurent ensemble et simultanément le salut. Dans sa lettre aux Corinthiens, Clément de Rome montre que la foi a toujours été et doit toujours être accompagnée des œuvres. Il écrit, et je cite, qu'il faut se sanctifier par les œuvres et non par des paroles. Pour Martin Luther, la sanctification était une œuvre, et même la repentance était une œuvre. Il est même allé jusqu'à dire que la repentance était un péché véniel. Quand il disait que la foi seule suffisait à tout, il voulait vraiment dire que toute autre chose que la foi était un obstacle au salut, ce qui n'a aucun sens là. Il est allé voir le pape et lui a demandé d'approuver ça, ce que le pape a totalement refusé, on se comprend. Alors Martin Luther n'a pas été chassé de l'Église pour rien là. Il y a une foule d'absurdités semblables dans ses doctrines. Quand l'Église l'a sommé à comparaître, il n'a pas voulu se récanter. Alors l'Église l'a excommunié. Les livres d'histoire protestants essaient de nous présenter un pauvre petit Martin Luther persécuté par l'Église. C'est l'Église qui avait raison dans cette histoire-là, c'est pas Luther. Hébreux 13:9 « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines nouvelles et étrangères. » Alors l'Église s'en est tenue aux doctrines orthodoxes enseignées dans la Bible et confirmées par la tradition des pères apostoliques. Luther est sorti de là enragé et a voué le reste de sa vie à travailler à la destruction de l'Église et à entraîner tout le monde derrière lui à faire pareil, tous ses disciples. Est-ce que ça vous paraît là l'attitude d'un homme de Dieu? Vouloir jeter l'Église par terre et la détruire, est-ce que ça vous paraît être l'un des cinq dons ministères? Si vous voulez un bon conseil, là, n'étudiez pas l'histoire de l'Église à l'école des ennemis de l'Église, mais étudiez l'histoire de l'Église à l'école de l'Église elle-même. Vous allez découvrir qu'il y a deux faces à une pièce. Moi, là, si je veux vous connaître, là, j'irai pas demander à votre pire ennemi. Je vais aller demander à quelqu'un qui vous connaît. Alors, c'est pareil pour l'Église. Je vous parle un peu de Polycarpe maintenant. Il a vécu de 69 à 155. Il était un disciple direct de l'apôtre Jean. Il est mort martyr, brûlé vif. Polycarpe également ajoute à la foi la nécessité des œuvres de justice. Le salut, explique-t-il, ne saurait se réaliser sans les œuvres. Fin de citation. Quant à Hermas, lui aussi est tout entier à assurer le salut par la fidélité au commandement, ce qui s'accorde parfaitement avec les paroles de Christ en Matthieu 19, 17, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Et avec Matthieu 28, 19, 20, « Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Jésus a dit que la foi seule ne suffisait pas au salut en Matthieu 7, 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Le salut par la foi seule n'a jamais été enseigné par le Christ dans aucun des quatre évangiles, ni par aucun des apôtres, ni par aucun de ceux qui ont connu les apôtres, ni par aucun de ceux qui ont connu les apôtres. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Hermas compare l'Église, et je cite, « à une tour bâtie sur les eaux du baptême, où les fidèles qui entrent dans sa construction sont les vrais fidèles qui ont soin d'ajouter les bonnes œuvres à la foi. » Fin de citation. C'est ainsi que les pères apostoliques unissent l'enseignement de Jacques à celui de Paul. Luther, lui, il les mettait en contradiction, mais les pères apostoliques les mettaient à l'unisson. Alors voilà pour la question du salut. Concernant le baptême maintenant. Très tôt, à l'époque des pères apostoliques, même, on ne baptise plus les gens sur parole, ni immédiatement. Les candidats à la vie chrétienne subissent une double préparation, théologique et morale. Et ça, à mon avis, ça a été une excellente idée, en même temps qu'une très mauvaise idée. Je vous explique pourquoi. Ça a été une mauvaise idée en ce que l'on s'est éloigné de la pratique des apôtres et qui baptisaient eux autres immédiatement. On regarde dans les Actes, les gens étaient baptisés immédiatement en croyant au Seigneur. Ce fut une excellente idée parce qu'on a réalisé qu'on devait filtrer ceux qui voulaient devenir chrétiens un peu trop vite sans savoir ce que ça impliquait. Les prétendants au baptême sont d'abord instruits sur la nature, l'importance et l'étendue de leur futur devoir. C'est la catéchèse dont nous avons un spécimen dans les deux écrits, celui de la Didachée et celui de la lettre de Barnabé. Ils doivent également apprendre ce qui doit faire l'objet de leur foi. La Didachée indique, à titre de préparation ascétique, le jeûne obligatoire chez le futur baptisé. Hermas, sans spécifier, laisse entrevoir d'autres pratiques de préparation pénitentielle. Barnabé écrit que « le baptême nous purifie complètement ». Hermas écrit qu'on descend mort dans l'eau et qu'on en sort vivant. Alors, il ne s'agissait pas d'un acte symbolique là, ou d'un rituel. Là. On attribuait au baptême une vertu salvatrice. C'est pourquoi le baptême a été appelé plus tard un sacrement, c'est-à-dire un rituel extérieur qui entraîne une action intérieure de Dieu et d'une communication de grâce. Le baptême confère la grâce de mettre la parole de Dieu en pratique. Une fois baptisé, je cite, « le fidèle s'entretient dans la vie chrétienne par l'assistance au sacrifice et la participation à l'Eucharistie. » Fin de citation. Qu'il s'agisse de l'Eucharistie en tant que sacrifice et communion, la didachée ne permet pas d'en douter. Alors l'histoire de voir dans la communion uniquement un mémorial, comme Jean Calvin l'a enseigné, c'est encore de la bouillie pour les chats et de la fausse doctrine issue de la Réforme. À propos de la préparation au sacrifice eucharistique qu'elle exige, je cite « conscience pure pour que le sacrifice soit pur ». Les effets qu'elle indique, je cite à nouveau, « cette nourriture spirituelle communiquant la vie et la science, l'immortalité, la vie éternelle, faisant habiter Dieu dans nos cœurs. » Fin de citation. Tout prouve qu'il s'agit beaucoup plus que d'un mémorial rituel. Quand Jésus a dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », eh bien, il voulait vraiment dire que ceci était son corps et que ceci était son sang. C'est écrit noir sur blanc, il est impossible d'interpréter ça autrement. Et c'est d'ailleurs comme ça que les pères apostoliques et que tous les premiers chrétiens l'avaient compris également. Encore à propos du baptême, l'épître de Barnabé dit que « l'homme est un pécheur, il doit avant tout se faire pardonner ses péchés, il a pour cela le baptême, qui en effet remet tous les péchés, transforme son âme et fait de lui une créature nouvelle. » Il y a aussi la métanoïa, la repentance, qui est le changement de l'âme, la réforme de l'intérieur, le renouvellement moral des sentiments, des idées et des mœurs. Fin de citation. Et sur laquelle revient également sans cesse Hermas. Ce qui est parfaitement en accord avec l'apôtre Pierre qui a dit « Repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. » Acte 2:38. D'ailleurs, l'apôtre Paul, en Romains 6:4, enseigne que le baptême d'eau et la nouvelle naissance correspondent à une seule et même expérience. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Voyez-vous, baptême, nouvelle naissance. Marc 16:16, Jésus dit « celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » Toujours le baptême et le salut ensemble. 1 Pierre 3:21, « c'est eau du baptême qui maintenant vous sauve. » Est-ce que ça peut être plus clair que ça, là? Alors la Réforme, encore une fois, a vidé le sacrement du baptême comme on vide un poisson, là. C'est cette même tradition que les pères apostoliques ont conservée. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner que l'Église catholique ait conservé jusqu'à ce jour cette même tradition, celle que le baptême sauve. C'est pourquoi elle baptise les enfants. Mais un baptême qui n'est accompagné ni de foi ni de repentance, que vaut-il vraiment? Maintenant, on en veut souvent à l'Église de baptiser les enfants, mais laissez-moi vous éclaircir quelque chose sur ce point. Il y a tout un contexte historique à ça. L'Église a décrété que l'on devait baptiser les enfants immédiatement après leur naissance, basé sur la tradition que le baptême sauvait. Bon, il y avait raison que le baptême sauvait, mais il n'y avait pas raison de baptiser les enfants. Aujourd'hui, on regarde ça, puis on se dit, ben, c'est d'une ignorance incroyable, pourquoi ils ont fait ça? Ce décret de l'Église s'est produit au synode de Carthage en l'an 252. Et ça, à cette époque-là, Les lettres du Nouveau Testament et les Évangiles s'étaient perdus dans une mer immense d'écrits apocryphes contradictoires de toutes sortes. L'Église se souvenait, par tradition, que le baptême sauvait, mais ne savait plus ce qui concernait les autres aspects du baptême, tel l'engagement d'une bonne conscience à servir Dieu et à garder toutes les prescriptions du Christ. À l'époque, on vivait en pleine période de persécution, là, on se rappelle. Alors les questions théologiques avaient très peu d'importance, on n'en discutait même pas, on n'en avait pas le temps. On avait très peu de temps pour ce genre de choses, on se comprend. Les chrétiens se cachaient dans les catacombes. Tout ce qui occupait leur esprit, c'est de rester en vie, là. On débattait pas tellement les questions théologiques, là. D'ailleurs, on n'avait pratiquement plus les Écritures. Ce n'est pas l'Église qui a inventé le baptême des enfants. Ce sont les chrétiens qui avaient adopté cette pratique-là dans à peu près toutes les églises. Les croyants savaient qu'ils pouvaient perdre la vie à tout moment, puis que leurs enfants pouvaient mourir également. Alors, comme on n'avait pas les Écritures pour nous instruire davantage, eh bien, les croyants baptisaient leurs enfants au cas où ils devraient partir vite. On voulait que nos enfants soient sauvés, évidemment, alors, à défaut de mieux comprendre, là, on les faisait baptiser immédiatement. Ce qui ressemble beaucoup à ce que faisaient déjà plusieurs chrétiens, selon la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, qui se faisaient baptiser pour les morts, vous vous rappelez de ça? C'est-à-dire pour ceux qui n'avaient pas eu le temps de l'être de leur vivant, qui étaient morts prématurément ou par accident, qui n'avaient pas eu le temps d'être baptisés. Alors l'Église de l'époque n'a pas inventé le baptême des bébés, elle n'a fait que ratifier ce qui existait déjà. Je vous rappelle que le Nouveau Testament que nous connaissons aujourd'hui n'est remonté à la surface au milieu du IVe siècle, dû principalement aux travaux d'Augustin et d'Athanase, qui ont fait le ménage parmi tous ces écrits apocryphes-là et qui n'ont gardé que les écrits qui étaient les plus authentiquement inspirés. Pourquoi l'Église, un siècle plus tard, étant maintenant éclairée par les vraies Écritures, n'est pas revenue sur cette décision-là du baptême des bébés? Mais premièrement, parce que l'Église ne renie jamais son histoire et ne revient jamais en arrière pour changer ce qui a été décrété dans un concile. Ce qui aurait pour effet de jeter le doute et de créer une grande confusion dans les esprits. Également parce que, historiquement, là, la chose s'est avérée un moyen extraordinaire pour christianiser le monde très rapidement. On pouvait toujours mieux les instruire par la suite, c'est ça qu'on se disait. On les baptise maintenant, puis on les instruira plus tard. Ce qui n'a jamais empêché l'Église d'envoyer des évangélistes là, qui prêchaient la repentance et la foi au Christ. Il faut le souligner, ça. Il y a eu de très, très grands hommes de Dieu avec des dons de puissance extraordinaires, là. Bon, revenons à notre sujet. Aujourd'hui, chez les protestants, le pardon des péchés, la nouvelle naissance et le salut ne s'acquièrent que par la foi en Jésus. D'autres vont un peu plus loin et disent que la foi et la repentance procurent le salut. La foi seule ne suffit pas. Mais le baptême ne veut plus rien dire aujourd'hui, si ce n'est que c'est un rituel que le Seigneur nous a demandé dans la Bible. Alors, on suit la Bible sans vraiment savoir pourquoi on la suit. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. On le voit dans les Actes, la foi et la repentance étaient immédiatement suivies par le baptême d'eau, qui accordait le salut et la nouvelle naissance et la grâce de suivre les commandements du Seigneur. Le baptême et le salut étaient indissociables. C'est cette connaissance qui est disparue à cause des persécutions. Les persécutions ont fait disparaître les Écritures, donc la connaissance est disparue aussi. À ce propos, il semble que ni l'Église catholique ni l'Église protestante n'observent plus ce qu'enseigne la Bible vraiment ou la tradition apostolique des premiers chrétiens. Par chance, le Seigneur est très, très souple en matière de théologie, là. Ce n'est pas la théologie qui servira de base au jour du jugement. Ce ne sera pas même la vérité. On ne sera pas jugé selon la vérité, mais selon la charité. Dieu tranchera entre brebis et bouc sur la base de la charité. Alors même si l'on ne reconnaît plus de vertu salvatrice au baptême, le Seigneur accepte ce qu'on lui offre en fait de bonne volonté. La confession maintenant. Clément de Rome a écrit « Vaut mieux confesser ses péchés que d'endurcir son cœur. » Parce que les chrétiens de l'époque ont toujours, depuis le commencement, les chrétiens se confessaient à leur évêque. Jésus avait donné ce pouvoir à ses disciples, cette autorité à ses disciples. Jean 20, 23, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Alors, c'est une pratique qui s'est transmise. Les successeurs des apôtres avaient la même autorité et ça s'est transmis comme ça. C'est une des choses que l'Église catholique a conservées en tradition depuis le début. Barnabé fait de la confession une obligation, répétant la prescription de la Didachée qui avait spécifié qu'elle devait se faire en public même et qu'elle devait précéder la fraction du pain et l'action de grâce pour que le sacrifice fût pur. Vous voyez, la communion, la Sainte-Cène, on appelait toujours ça le sacrifice, pas un mémorial. Je suis pas sûr qu'on aurait aimé ça vivre au temps des premiers chrétiens. Se lever debout en pleine assemblée et confesser ses péchés, je suis pas sûr que ça plairait aux petits chrétiens superficiels d'aujourd'hui là, qui ont deux visages qui mènent une double vie. Là. L'épître à Dionysiète maintenant, je cite, « Les chrétiens, semblables aux autres hommes sous le rapport de l'habitation, du vêtement et du langage, s'en diffèrent beaucoup, car ils sont citoyens d'une autre patrie, se considèrent comme des étrangers ici-bas, fidèles aux lois, époux fidèles, pauvres mais généreux, aimant ceux qui les persécutent et rendant le bien pour le mal. Ils sont toujours heureux, et jouent dans le monde le rôle de l'âme dans le corps. Sans eux, le monde s'écroulerait. » Fin de citation. C'est pas beau, ça? Quel beau résumé de la vie chrétienne. Quand on considère ce qui se passe aujourd'hui et que l'on voit l'islam s'emparer du monde entier, moi je vois un monde en train de s'écrouler. Ce qui me fait m'interroger très très sérieusement à la sorte de chrétien que nous sommes devenus. Le diable s'empare du monde comme si on n'existait même pas, comme si on n'était même pas là. À propos du dimanche maintenant, il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas au dimanche, qui croient encore que c'est une fête du soleil, là, puis c'est une fête païenne. Ah, que ça fait dur. N'importe quoi. À propos du dimanche, pourquoi les chrétiens se réunissaient-ils le dimanche? À l'époque des premiers chrétiens et à l'époque des pères apostoliques. Ben, c'était pour honorer la tradition aussi vieille que l'Église. L'épître à Dionysiète dit « C'est le dimanche qu'on se réunit pour participer à la fraction du pain et à la coupe après s'être préalablement confessé et réconcilié avec ses ennemis. » L'épître de Barnabé donne la même raison de ce choix, je cite « C'est le jour où notre Seigneur est ressuscité. » Voilà la vraie raison du choix du dimanche. Également, la discipline était exercée dans les églises. Hermas rejette les gnostiques. Il écrit « Hors de l'Église les gnostiques insensés qui veulent tout savoir et ne connaissent rien à fond. » Ce qui fait tout à fait écho à l'épître de Paul en 1 Corinthiens 5, « Ôtez le méchant du milieu de vous. » L'Église catholique ne met plus la discipline en pratique. Il ne faut pas déplaire. Église sans colonne vertébrale, des fois, là. Chez les grandes églises protestantes refroidies, ben c'est encore pire. Même les homosexuels peuvent devenir pasteurs, maintenant. Et on peut même marier des homosexuels. Chez les évangéliques, eh bien, on n'est pas pour faire de la discipline, on va perdre toutes les dîmes et les offrandes. Pasteur mercenaire, serviteur de Mammon, disciple de Judas, qui aime prendre ce que les gens mettent dans la bourse. Beaucoup de pasteurs sont coupables de ça. Du péché de simonie. Concernant la hiérarchie dans l'Église, beaucoup disent « Ah, il faut pas qu'il y ait de hiérarchie dans l'Église, pas biblique. » Détrompez-vous. Beaucoup de chrétiens ne croient plus en la hiérarchie. Permettez-moi de citer un article fort intéressant écrit par un historien de l'Église. « Protestants et catholiques se prirent d'ardeur pour consulter ses témoins, les pères apostoliques, et apprendre d'eux la foi de l'Église primitive, son organisation intime et sa hiérarchie. » Fin de citation. C'est le système hiérarchique de l'Église qui la garde unie, mes amis. Ignace d'Antioche, qui a connu l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, a écrit « L'Église est une par l'unité de la foi et du gouvernement. » Il écrit dans son épître aux Éphésiens « Pas d'Église sans évêque, prêtre et diacre. » Dans toutes ses lettres, il décrit très clairement une hiérarchie à trois paliers dans chaque Église. Clément de Rome, dans son Épître aux Corinthiens, fait également valoir, dit-il, le principe d'ordre, d'unité et de hiérarchie, qui est la plus propre à établir et rétablir la paix. » Fin de citation. Clément de Rome prend pour exemple l'ordre qui règne dans l'armée et dans le corps humain pour légitimer, dit-il, celui qui doit régner dans le corps du Christ. Fin de citation. Il dit encore, « Or, jadis, les oblations et les sacrifices incombaient aux souverains sacrificateurs, aux prêtres et aux lévites de l'Ancien Testament. Désormais, les fonctions doivent incomber à la nouvelle hiérarchie à 3 degrés, comme l'ancienne. Cette hiérarchie est d'origine divine, car Dieu a envoyé le Christ a envoyé les apôtres, et les apôtres ont envoyé leurs successeurs. » Fin de citation. Wow! Est-ce que c'est assez clair? Ceux qui vous ont enseigné là-haut dans l'Église du Seigneur, il n'y a pas de hiérarchie, Jésus, c'est le seul chef, blablabla, vous ont enseigné des bêtises, mes frères et sœurs. Clément de Rome écrit encore, « Nos apôtres apprirent de notre Seigneur qu'il y aurait des rivalités au sujet de l'épiscopat. À cause de cela, doués d'une préscience parfaite, ils établirent ceux qui allaient être les chefs de l'Église après eux. » Il parle des apôtres. « Et qui correspondent aux souverains sacrificateurs, aux prêtres et aux lévites de l'ancienne loi. » Ce qui est parfaitement biblique. Paul écrit en Romains 12:8 que celui qui préside le fasse avec zèle. Une autre traduction a rendu que celui qui gouverne le fasse avec zèle. Également en 1 Corinthiens 12, 21 et 25. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. On en apprend des choses aujourd'hui. Hein? Dans le corps de Christ, certains sont la tête. Dans chaque église, il y avait une tête. Autrement dit, une hiérarchie gouvernante. Il y avait dans chaque église des évêques en chef, des anciens et des diacres. Toujours une hiérarchie à 3 paliers. Les pères apostoliques parlaient en termes très forts de l'unité et de la soumission, qui n'étaient pas de 20 mots à l'époque, je vous l'assure. Selon Ignace d'Antioche, je cite, « Des termes très forts. L'évêque, c'est Dieu. » Il a dit ça dans son épître aux Éphésiens. « Il est le type du Père et de Jésus-Christ. » Il dit ça dans son épître aux Thraliens. « Il est le remplaçant, le familier, le ministre de Dieu. » Dans sa lettre à Polycarpe. Il écrit « Celui qui préside à sa place, à la place de Jésus » dans son épître aux Magnésiens. « Celui qui est le centre de l'unité, la garantie de l'ordre, la sauvegarde de la vérité, celui qui personnifie l'Église, car là où est l'évêque, là est l'Église, de même que là où est le Christ, là est l'Église catholique. » Ignace a écrit ça en 107 après Jésus-Christ. Je vous rappelle qu'Ignace a connu l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Ignace a été le premier qui emploie le mot catholique pour désigner l'Église, alors que l'apôtre Jean vient à peine de mourir et que son disciple, Polycarpe, est encore vivant. Je vous invite à écouter mes lectures et commentaires sur les 7 lettres d'Ignace d'Antioche sur ma chaîne YouTube. C'est extrêmement instructif de voir comment vivaient les premiers chrétiens et ce qu'ils croyaient. Parlons maintenant de la doctrine de l'Église. L'Église est sainte, comme le qualifie Hermas. Elle est catholique, c'est-à-dire universelle. Elle est une, unique, ainsi que le proclame saint Ignace. Elle est apostolique, car tous ses pères sont l'écho authentique de la tradition des apôtres. J'aimerais faire une parenthèse ici à propos de la catholicité de l'Église. Il n'y avait aucune dénomination à l'époque. Les dénominations ne sont arrivées qu'après la Réforme au 16e siècle avec Martin Luther, qui a dit qu'on n'avait plus besoin de l'Église pour nous dire ce qu'on devait croire et que chacun pouvait interpréter la Bible selon son petit coco. Vous imaginez ce que ça a pu engendrer? Les divisions et les dénominations se sont mises à pleuvoir et à se multiplier comme les gouttes de la pluie sur la terre. Voilà les beaux fruits de la doctrine de la sola scriptura. Je voudrais parler de l'Église de Rome. Pourquoi on qualifie l'Église de catholique romaine? C'est parce que du vivant même de quelques apôtres, l'Église de Rome en est rapidement venue à présider sur toutes les autres églises. C'est devenu une église centrale, la plus grande, la plus importante, et c'est là que s'arrêtaient tous les grands hommes de Dieu de l'époque. Après les persécutions déclenchées à l'occasion de la lapidation d'Étienne, l'église de Jérusalem a reçu un coup très dur, là, et beaucoup en sont partis pour aller trouver refuge en d'autres régions. Et suite à la destruction de Jérusalem en 70, je peux vous dire que l'église de Jérusalem, là, il n'y en restait plus grand-chose. Elle est lentement tombée dans l'oubli. Historiquement, selon plusieurs écrivains, on sait que Pierre, après un séjour de 2 ans à Antioche, est allé à Rome y fonder l'église. Irénée a écrit « Clément avait vu les apôtres, leur prédication résonnait encore à ses oreilles. » Fin de citation. Dans la lettre que, vers l'an 95, il écrivit à la communauté chrétienne de Corinthe pour les exhorter à l'unité, Clément évoque avec émotion le souvenir de Pierre et de Paul. Ignace et Polycarpe attestent de la double autorité de Pierre et de Paul, qui de leur vivant se trouvent à l'église de Rome. Clément de Rome, dans son épître aux Corinthiens, joint la mort de Paul à celle de Pierre. Et Ignace s'excuse d'écrire aux Romains sans avoir sur eux l'autorité de Pierre et de Paul. Alors ce sont tous des témoignages historiques qui prouvent que Pierre était bel et bien à Rome. Je crois qu'il y a passé environ 29 ans et que Paul, pour les quelques années qui restaient, environ 5 ans à vivre, ben, il a travaillé avec Pierre à l'édification de cette église. Clément était venu à Rome pour faire des études, dit l'histoire. Il s'est rapidement converti au christianisme. Dans la ville, il fit la connaissance de Paul. Clément a été le 4e évêque de l'église de Rome à la fin du 1er siècle, succédant à Anaclet. Il y a donc eu Pierre, ensuite Linus, ensuite Anaclet et Clément. Paul semble faire allusion à ce même Linus dans sa 2e épître à Timothée, où il fait mention de certaines personnes qui étaient avec lui, Eubule, Pudence, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Alors ce serait ce Linus qui serait devenu pape après Pierre. Nous savons que les églises locales étaient formées d'une hiérarchie à 3 degrés. Reste à savoir, parmi toutes les églises, s'il n'y avait pas une église et un évêque supérieur à toutes les autres, supérieur à tous les autres. Bien, l'intervention de Clément de Rome dans les affaires de Corinthe permet de répondre affirmativement. Si toutes les églises de fondation apostolique étaient égales en autorité, on ne voit pas pourquoi c'est Rome qui est intervenu à Corinthe alors que l'apôtre Jean est encore vivant. Le langage de saint Ignace ne fait pas de doute. Il écrit à l'église de Rome les paroles suivantes « À l'église qui préside dans le lieu de la région des Romains ». Alors, on accordait une autorité à l'Église de Rome sur toutes les autres déjà à cette époque. L'histoire de l'Église des premiers siècles est très claire à ce sujet. À chaque fois qu'on avait un différend ou une question grave à résoudre, c'est toujours à Rome que l'on en appelait et non plus à Jérusalem. Ceci pour accomplir la prophétie du Seigneur en Matthieu 21-43. C'est pourquoi je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Amen.